Ils veulent me terminer, qu'ils ramènent d'autres armes. Quel le fou viendra me faire la guerre à moi? Rebeu déterminé à mettre d'autres man. Malik El Diabna ou Farid Berama. Comme Farid Berama, je te passe ta bique rapée kilo comme Farid Berama. Comme Farid Berama, je te passe ta bique rapée kilo comme Farid Berama. Salope, crois pas que je vais te passer la bague. Entre dans mon lit, je ne sais pas qui tu es. Gamin perturbé, je sais pas me situer. J'ai fait tellement de mal seulement si tu savais. Pour percer, y'a pas de tactique. C'est n'importe quoi comme Very Bad Trip, c'est hardcore. La misère statique est partout. Big up aux rebeux qui vont break partout. Je te remets d'accord, je n'ai pas de code. Moi ça m'excite, ça fait pas peur. Je laisserai même pas ton cadavre à ta mère, je n'ai pas de cœur. J'arrive à pas de course, écarte-toi. Je me casse le ventre devant ce rap qui est mon carton, je suis rapta. Hein? Quel le fou veut me faire la guerre à moi? Je les force à pique rap des kilos comme Farid Berama. Entre les quatre tours, petite catin, j'ai bien ramé. Perdu des frères, reste sur la route et je m'en suis pas remis. Qu'ils ramènent d'autres armes, ils fuiront tous, tous. Il me faut le flou, couche, les bras comme un maître d'Otman. Maman ne doit rien savoir, elle prépare le couscous. Pas d'or, son fils prépare la guerre, charge le 12-12. J'arrive chargé devant ta gueule et tu te passe-passe. Et j'disparais quand y'a les Schmitt à tour de passe-passe. L'affaire est close, dans l'enveloppe, j'passe à ton magasin. Ils travaillent le poignet pour satisfaire tous mes sarrasins. Ils veulent me terminer, qu'ils ramènent d'autres gars. Quel le fond viendra me faire la guerre à moi? Rebeu déterminé à mettre d'autres man. Malik El Diabna ou Farid Berama. Comme Farid Berama, j'te force à bique rapé kilo comme Farid Berama. Comme Farid Berama, je te force à bique rapé kilo comme Farid Berama. Hein? J'ai pas pris des cours de karaté, je suis comme un maître d'autant, je préfère le canon, ça peut pas rater. Ici d'un peuple averti, le peuple arabi, le peuple de Saladin, tu meurs au maladif quand on me baratine. Si tu n'es pas rentable, eh ben c'est pas gentil. Je te pèterai ta rotule sans l'accord parental. Pour les habitués, le tarot sera arrondi. Résultat garanti, mes petits feront bien leur taf. Je sais que maman a prié pour moi. J'espère que ta maman prie aussi. La nuit est longue, on est agile et sournois. Tu seras transporté dans le coffre comme un kilo de shit. Mon dos est large, rebelle, j'ai bien ramé. J'ai en affaire avec les corsicaux comme Berama. Je vais faire du mal comme un maître d'Otman à la BNP. Hein? Rebeu pisté par la BRB. Ouais, fais disparaître le corps de la boucave. Il restera que les flammes, l'odeur de butane. Hein? Barbecue pour tous ces putains. D'abord on fait la guerre, en gros on parle à putain. Ils veulent me terminer, qu'ils ramènent d'autres armes. Maman ne doit rien savoir, elle prépare le couscous. Rebeu déterminé à mettre d'autres man. Mon petit frère a rechargé le 12-12. Ils veulent me terminer, qu'ils ramènent d'autres armes. Quel le fou viendra me faire la guerre à moi? Rebeu déterminé à mettre d'autres man. Malik El Diabna ou Farid Berama. Comme Farid Berama, je te force à pique rap mes kilos comme Farid Berama. Comme Farid Berama. Ils veulent me terminer, qu'ils ramènent d'autres gars. Quel le fou viendra me faire la guerre à moi? Rebeu déterminé à mettre d'autres man. Malik El Diabna ou Farid Berama.